j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas, j'irai pas. Et non, on n'ira pas. On n'ira pas. Bonjour, vous êtes sur le 89.5 de Radio Dion. Et on est le mercredi 5 mars. Ah, ça y est, je m'entends mieux. 2024. Et il est 16h32 sur 89.5 FM de Dion. Et le micro a un petit souci. Voilà. Ça a l'air d'aller mieux. Bienvenue dans cette émission, c'est l'émission numéro 24 de J'irai pas, une émission antimilitariste, tous les premiers mercredis du mois à 16h30. Si j'ai bien compté, 24 émissions, ça fait donc 2 ans, c'est l'anniversaire de l'émission. Joyeux anniversaire, j'irai pas. 2 ans, paraît-il, c'est l'âge où on commence à parler petit à petit. Le langage oral devient un mode un peu plus interactif. Bon, pour une émission de radio, il reste qu'un seul sens, quoi. Une antenne émettrice et une multitude de récepteurs. Alors, pour peut-être plus d'interactivité, je peux rappeler l'adresse mail de l'émission, j'irai pas, tout attaché, jiraipas@riseup.net. Riseup, ça s'écrit riseup.net. 2 ans, je disais, c'est à la fois peu, en considérant la durée de vie d'un chêne, par exemple, et beaucoup, beaucoup quand il s'agit de parler de bombardements, de tranchées, du viol comme arme de guerre, et de l'économie qui se repaît de ventes d'armes, des contrôles de territoire, d'extraction de ressources. C'est beaucoup, aussi, quand on parle du pouvoir des États, qui instrumentalisent la peur des autres pour raffermir leur pouvoir. Alors pour cette émission anniversaire, cette émission qui compte le temps, on va vous raconter plusieurs histoires. Une histoire pour enfants, par exemple, une histoire de jeune adulte, en suivant, et des histoires d'adultes qui, bien souvent, sont tristes, pour finir. Et je pense qu'on va entrecouper tout ça de quelques chansons. Et peut-être qu'on peut commencer en accueillant Guy, dont je vais allumer le micro pour qu'il puisse nous dire bonjour. Bonjour. Et tu as prévu de nous lire une histoire pour enfants ? Oui. Une histoire qui s'appelle Flonflon et Musette, qui a été écrite et dessinée et coloriée par une autrice qui s'appelle Elsbieta. C'est à l'école des loisirs, ça date de 93. Donc je vais commencer. Toute la journée, Flonflon jouait avec Musette. Tantôt d'un côté du ruisseau, chez Musette, tantôt de l'autre, chez Flonflon. Quand je serai grand, je me marierai avec Musette, disait Flonflon. Et Musette d'ajouter... Quand je serai grande, c'est Flonflon qui sera mon mari. Mais un soir, en lisant son journal, le papa de Flonflon dit « Mauvaise nouvelle, la guerre va bientôt arriver. » Le lendemain, la guerre était là. On ne la voyait pas encore. Pourtant, le papa dit Au revoir, ma femme chérie. Au revoir, mon petit flonflon. Je reviendrai bientôt. » Et il les serra contre son cœur, puis il partit à la guerre. Le jour suivant, Flonflon dit « Je vais au ruisseau, jouer avec Musette. » Mais la maman lui montra par la fenêtre qu'à la place du ruisseau, il y avait maintenant une haie d'épines. « C'est pour que personne ne puisse venir chez nous, » expliquait la maman. « Même pas Musette ?» demanda Flonflon. Alors, la maman dit « Chut, il ne faut plus parler de Musette, c'est défendu. Pourquoi ?»« Parce qu'elle est de l'autre côté de la guerre. » « Où est la guerre ?» demanda Flonflon. « Je vais lui dire d'enlever cette haie d'épines. Je vais lui dire que de s'en aller. » La maman dit que ce n'était pas possible. La guerre était trop grande. Elle n'écoutait personne. On l'entendait aller et venir. Elle faisait un bruit immense. Elle allumait de grands feux. Elle cassait tout. Cela dura si longtemps qu'on pensait que c'était pour toujours. Mais enfin, tout d'un coup, on ne l'entendit plus. Et au lieu de son bruit, il y eut un grand silence. Ce jour-là, le papa revint. Il avait l'air fatigué. Il dit « Voilà, la guerre est finie. » Mais Flonflon voyait bien que la haie d'épines était toujours là. Il dit « Ce n'est pas vrai, la guerre n'est pas morte. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas tuée ?» Le papa soupira. « La guerre ne meurt jamais, mon petit Flonflon. Elle s'endort. Elle s'endort seulement de temps en temps. » Et quand elle dort, il faut faire très attention de ne pas la réveiller. « Est-ce que je faisais trop de bruit en jouant avec Musette ?» demanda Flonflon. « Non, » répondit maman. « Les enfants sont trop petits pour réveiller la guerre. » Alors Flonflon sortit dans le pré, là où il avait joué avec Musette avant la guerre. Il marcha le long de la haie et, tout à coup, il entendit Musette qui l'appelait. Elle avait fait un petit trou dans la haie d'épines et traversé le ruisseau. Voilà, j'ai dédicacé cette histoire à Elisette. Et à tous les enfants qui subissent aussi la guerre. Merci. J'ai pas allumé le micro, ah, c'est pour ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Eh ben merci Guy pour cette histoire, c'est vrai qu'elle est forte. Peut-être qu'on peut enchaîner avec une histoire de jeune adulte. Tu voulais réagir, Aline, parce que c'est vrai qu'on l'a pas salué, mais il est avec nous aussi dans le bocal. Oui, mais je suis arrivé à l'arrache. Bonjour tout le monde et bon anniversaire. J'irai pas. Et merci. Alors on avait prévu de vous diffuser aussi un témoignage exceptionnel d'un très bon pote qui peut-être nous écoute d'ailleurs, du coup il faut que j'en dise du bien, qu'on avait interviewé à propos des trois jours qu'il avait dû effectuer avant de faire ou de ne pas faire le service militaire. C'était dans les années 80 et il nous l'explique, il nous la raconte hyper bien. On n'a qu'à l'écouter. C'est parti, on t'écoute et on pense très fort à toi. Donc du coup, bon, moi je suis obligé de dire un truc. J'ai passé le bac, j'avais pensé que j'en avais fini avec mes obligations. J'avais payé ma dette à la nation. Ça faisait 12 ans que j'étais à l'école. Laissez-moi tranquille maintenant. Bon, comme j'avais bien compris qu'on n'avait pas me laisser tranquille comme ça, du coup, je me suis inscrit en fac. Et puis, les inscriptions à fac, c'était pour avoir une raison sociale. Et ça a marché jusqu'à 22 ans. Donc, jusqu'à 22 ans, j'avais rien à voir avec les militaires. Puis, quand j'ai fini avec les obligations universitaires, j'étais obligé d'aller vers les obligations militaires. Et j'ai été convoqué à aller faire les... Au début, c'était 3 jours. Mais là, au moment où on est, là, donc c'est 85, du coup. Ouais, c'est ça, 85. 22 ans. Mais du coup, il y a un moment entre 18 et 22 où tu captes que t'en as pas fini, en fait. J'en ai pas fini de quoi? Parce que tu dis... Les obligations. Je pensais en avoir fini avec les obligations, mais bon, je me rends compte que mon CV, il est pas suffisant. Et après, tu t'expliques pas. Bah, tu comprends que tu as passé les 18 ans avec le bac. Donc là, tu te dis, c'est bon, lâchez-moi, j'en ai marre. Et puis, tu comprends au bout d'un moment que eh ben, les militaires, ils vont te demander des comptes, quoi. Et que tu as un sursis. C'est les 4 ans entre tes 18 et... Entre le moment où tu as passé le bac et le moment où, où l'armée va de nouveau faire... Manu, t'es là. Donc. Mais ça, c'est un vrai mot, en fait. C'est une vraie loi qui existait pour les étudiants, en fait, le sursis. Oui, oui, oui. C'était le délai. Jusqu'à 22 ans, on considérait que tant que tu faisais des études, voilà, jusqu'à 22 ans, t'étais sursitaire, voilà. Bon, à ce moment-là, moi, je suis branché avec une meuf qui est une parisienne, une bourgeoise. Comme elle fait épocagne et cagne, elle a accepté de se déplacer en banlieue. Elle est à Neuilly, dans une petite chambre de bonne. Ça a été un grand bonheur, cette petite chambre de bonne. Donc, dans cette chambre de bonne, moi, je voulais surtout pas aller à ce foutu service militaire, là. J'en avais très peur. J'ai une sœur jumelle, j'ai deux autres sœurs. Je connais pas les garçons, ça me fait peur. Des endroits où il n'y a que des garçons, j'ai très très peur. Je ne voulais pas y aller. Mais je savais qu'il ne fallait pas dire que tu ne voulais pas. Parce que si tu disais « tu ne veux pas y aller », on te disait « ah, tu ne veux pas y aller ». Eh ben attends, mon gars, on va te foutre dans la forêt noire. Tu vas crapahuter dans la neige en plein hiver et tu vas en chier grave. Donc j'avais compris que, comme maintenant avec France Travail, garde à vous, il faut montrer que c'est pas que tu veux pas, c'est que tu n'y arrives pas, tu peux pas, t'es inapte. Il fallait montrer ça. J'ai des amis, pour montrer qu'ils étaient inaptes, ils ont constitué des gros dossiers avec un psy notamment. Moi, j'étais pas trop psy parce que je suis un fils de prolo et puis sous ces histoires de psychologue, il fallait constituer des dossiers et tout, ça me foutait. Je crois que j'en avais autant peur que de l'armée. Donc non, j'ai pas fait ça. Moi, je me suis dit bon, je vais jouer sur le fait que, comment dire, je me sens quand même assez angoissé, assez mal depuis tout petit. Donc j'allais jouer sur ce truc-là. J'abaisse mes défenses, je me laisse aller à mon angoisse et je suis un type qui est mal dans la vie. Donc du coup, je vais abaisser mes défenses, celles que je mets en permanence dans ma vie pour survivre. Et puis je me dis, là, pour l'armée, je vais les abaisser. Comme ça, ils vont bien voir que je suis un loser, que je ferai pas un bon militaire, quoi. Je peux pas, j'y arrive pas. Donc je me prépare, j'ai parlé de la meuf avec qui j'étais à ce moment-là, parce qu'elle est à Neuilly, parce que je me prépare psychologiquement, notamment dans une chambre de bonne à Neuilly. Et la petite chambre de bonne, genre 15 jours avant que je doive me présenter à l'armée, là, château de Vincennes, Anne, elle se barre, elle va faire un tour pour aller voir la neige, ça, voilà. Elle a envie de voir la neige, elle a envie de se promener, donc elle se casse. Donc moi, je reste, voilà, 2 semaines, tout seul. Je fume beaucoup d'herbes que j'ai fait pousser. Je bois du Robusta, parce que ça speed plus. Et en fait, quand j'arrive le jour de l'incorporation, le matin où je dois y aller, Anne revient de son périple, de ses bonnes vacances qu'elle a passées à la neige. Et moi, je lui dis, eh ben voilà, je viens de prendre une décision sérieuse et grave, je n'y vais pas. tellement j'ai peur. Je lui dis, non, j'y vais pas, ils vont me prendre, quoi. Et Anne, elle rigole et elle me dit, oh, mais tu peux y aller avec la gueule d'abruti que t'as. Je suis tellement angoissé que j'ai l'air d'un crétin complet, quoi. Donc c'est elle qui me pousse à y aller. Moi j'ai oublié de dire un truc, parce que c'est important pour l'histoire de Bruno après. Moi j'ai déclaré une adresse à Paris. Voilà. Donc je suis domicilié à Paris. Donc moi je vais à Château de Vincennes. Voilà, la caserne de Vincennes. Et Bruno et tous les autres petits banlieusards, ils doivent aller à Blois. ils doivent prendre le train loin. Et forcément, vu que c'est une journée et demie, ils doivent dormir là-bas. Moi, j'aurais pas résisté à ça. C'était impossible. J'aurais fait le mur la première nuit. Donc moi, j'ai donné une adresse à Paris. Déjà, peut-être que dans la tête des militaires, t'es déjà un peu parisien. T'es déjà un peu bourgeois. T'es un peu moins prolo. T'es plus un bon lézard. Un putain de prolo. T'étais allé à Henri IV, ils savent pas. Vraisemblablement, comment ça se passait à Vincennes et comment ça se passait à Blois, c'était très différent. Non, mais c'est Paris, quoi. C'est la capitale. Les gens qui sont là, ils ont un petit peu de monnaie, un petit peu de réseau, un petit peu de d'influence, un petit peu de... Ils disent qu'ils veulent pas y aller et qu'ils viennent d'Henri. Mais ils veulent pas y aller, quoi. Donc Anne me dit, mais si, vas-y. Parce qu'elle n'est pas bête, elle sait bien que si j'y vais pas, genre t'es considéré comme déserteur, tout ça. Enfin bon, c'est des embrouilles par la suite, quoi. Puis elle comprend que je lui dis que j'ai pris cette ferme décision parce que je suis mort de trouille, en fait. Quoi. Et je suis mort de trouille parce que je me dis, j'angoisse à fond à l'idée que je suis pas assez angoissé. Et que du coup, ils vont voir que je suis pas un type très angoissé, et donc ils vont me prendre. Et ils vont me mettre au front avec des armes. Il va falloir que je tire sur des gens. Mais en fait, tu te barres dans un truc qui est complètement ouf, quoi. Mais c'est le stress, ça. Bon, c'est l'angoisse, quoi. Bon, alors j'y vais. Anne me booste, j'y vais. Bon. Alors, Neuilly, Vincennes. Devant l'enceinte, là, il y a un mec, c'est comme dans les films. Il a un casque blanc, il est habillé en vert, et c'est comme dans les films. C'est un GI. C'est un et vrai, là, quoi. Et là, quand je vois le mec, moi, je pleure. Je pleure parce que, je te jure, je pleure. Là, j'ai vrillé, j'ai plus aucune idée du temps. Je me dis, si je rentre là-dedans, et que si je passe le petit bonhomme vert, là, avec son casque, et qu'ils me disent oui, hop, et ben je suis là pour un an, dans ce machin. Je comprends plus rien, quoi, en fait, ouais, tellement j'angoisse. Bon, alors j'y vais, je rentre en pleurant dans le machin, parce que je veux surtout pas qu'ils comprennent que je veux pas. Si, je veux bien. Je suis volontaire, mais peut-être que j'y arriverai pas. Alors là, voilà, je rentre, j'ai peur, voilà. Alors j'ai du mal à me souvenir la première et la deuxième journée, quoi. Enfin, un jour et demi, voilà. Je sais que le premier jour, il y a les tests. Il faut faire les tests. Alors, les tests, c'est pareil. Je me dis, oh, j'ai pas envie de les faire, leurs tests. Mais je veux pas qu'ils sachent que j'ai pas envie de les faire. Alors, je l'ai fait jusqu'à un moment. Et puis, à un moment, moi, j'en peux plus. Puis, je me dis, oh, ça va, j'en ai fait. J'ai fait une bonne partie du cahier, comme... Ils vont pas me prendre pour un rebelle. Et puis, il y en a qui demandent le psy. Mais moi, je demande pas le psy. Je veux surtout pas qu'ils sachent que je vais pas le faire. Ouais, non, je demande pas le psy. Bon, alors, il faut dire qu'à ce moment-là, ma coupe de cheveux, c'est genre à la Higelin, champagne, un peu en l'air, comme ça. Donc, pour aller à l'armée, tu lises tout comme ça, vers la droite. T'as un anorak, alors qu'il fait hyper chaud. T'as les deux mains dans l'anorak, dans les poches, et tu regardes des godasses. J'ai vu que des pompes, là-bas. J'ai vu aucun visage. Bon, alors, les tests. Voilà, les tests, le carnet à remplir et tout. Bon, ok, je fais mon possible. Voilà, moi, maintenant, j'en peux plus. Bon, on sort du test. Alors, quand on sort du test, on va quelque part. Alors, moi, je veux bien suivre le groupe, mais pas trop près quand même, parce que j'ai un peu de mal avec les groupes. Et que des mecs, en plus. Alors, j'y vais. Je les suis de loin. Ils rentrent dans un putain de grand bâtiment. Peut-être qu'avant, il y a eu le truc de la cantine. La cantine, il faut aller à la cantine. Oui, avant le bâtiment, il faut aller à la cantine. La cantine, il y avait des petits pois. Moi, je me dis, il faut pas qu'ils voient que j'ai avalé trois petits pois. J'avais l'impression qu'à chaque fois, je devais avaler des balles de tennis. C'était énorme, comme ça, avec de l'eau. avec de l'eau. Oh putain. J'ai oublié de spécifier un truc, c'est que comme j'avais peur que je sois pas assez angoissé et que ça m'angoissait pas mal, j'avais préparé des trucs à rouler, enfin des trucs roulés à l'avance. Donc dès qu'il y avait un moment, je fumais quand je fumais. Dans la caserne. Bah oui, dans la caserne, c'est dehors, c'est espace fumeur. Hein. On n'était pas trop chiant à cette époque-là encore. Tu crois que maintenant toutes les casernes sont espaces non fumeurs? Non, je pense qu'ils peuvent fumer leur pétard. Hein. Ah, bah, bah. Oh, je me rassure parce que vraiment, ça... ça aurait vraiment mal évolué. Hein. Voilà, il y a la cantine peut-être avant ou après l'autre histoire que je vais raconter là. Bon, il y a le test, voilà, je fais le test le mieux que je puisse. Je suis mort de peur. Mais tu penses il y a les petits pois. Tu penses j'arrive à avaler 3 balles de tennis. à grand renfort d'eau. Pour qu'ils voient pas que je suis... Pour qu'ils voient que je suis coopératif, quand même. Mais à ce moment-là, t'as l'impression d'être hyper rationnel, de penser tout à fait normalement. Et en fait, t'es complètement barré, quoi. Tu penses qu'il y a des gens qui vont regarder les petits pois que tu manges, qu'ils auront noté que oui, que t'as fait un effort, t'en as mangé 3. Et il y en avait au moins 28 dans ton assiette, parce que t'avais dit pas trop. Bon, et après, voilà, il y a un moment où, voilà, l'espèce de capot, je sais pas quoi, il dit oui, il y en a, on leur dit, ça sert à rien de psychoter avant. Et là, moi je suis en retrait du groupe, là, ouais. Je suis à l'écart, j'ai les mains dans les poches. Et le mec il dit oui, il y en a, il pense que c'est genre ça vaut le coup de psychoter avant, genre pour se faire... Mais ça sert à rien et tout. Et là, t'as toutes les gueules qui se tournent vers moi. Là, je me retrouve à l'école, tu vois. T'as tous envie de... t'as envie de tous les tuer. La classe entière. Il y en a pas... Il y en avait pas un qui était bien. T'avais tous envie de les tuer. Tu les aurais tous tués. À la main, à la dent. Donc, là... J'ai qu'une envie, c'est de relever de la tête et de l'insulter, ce connard là, de petit capot là, et puis tous les crétins qui sont là, étaient là. Bon, je continue. Je ferme ma gueule. Continuons de jouer les fous. Remarque, j'aurais été exempté hein, si j'avais mordu le capot à la gorge. C'est sûr qu'ils auraient pas vu de moi. En foutant des coups de tatane aux autres pendant que tu lui mords la gorge. Donc là, tu fermes ta gueule, voilà, et tu dis rien. Et puis, le groupe se dirige vers un bâtiment qui est très long d'un côté, petit de l'autre. Donc c'est un bâtiment en rectangle, sans fenêtre, pas de fenêtre. Et il y a une porte, il y a une porte là, double porte en bois, tu vois. Je suis le groupe d'un peu loin, quoi, genre 20 mètres. Enfin, j'ai un peu de mal à m'intégrer au groupe, quoi, à faire corps, mais je veux pas non plus qu'on me remarque comme étant un type qui a des réticences, qui résiste. Non, non, non, je suis volontaire. J'y vais avec vous. Ils rentrent tous dans le truc. Alors, j'ai bien vu que les deux portes ouvertes, elles débouchaient sur un truc, mais super noir, quoi. Pas de lumière là-dedans. Pas une seule fenêtre. Pas de fenêtre, ça, c'est tout noir. Et quand j'arrive près des portes, elles font clac, elles se referment, il n'y a pas de poignée. Je ne peux pas rentrer. Oh merde, ils vont croire que j'ai pas voulu. Et j'ai peur, je me dis, mais putain, ils vont croire que j'ai résisté. Que je ne veux pas le faire. Tout, genre, tout mon truc, ça s'effondre. Quoi. Donc j'attends devant. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me réjouir. Il y a un petit rayon de soleil. Et c'est cool, c'est agréable. Et t'es là, tu te dis, oh putain, c'est bon. Et puis en même temps, tu dis, non, arrête, arrête. Il faut que t'angoisses, il faut que tu sois mal. Sinon, ils vont te prendre. Non, là, tu sais, mais rétrospectivement, je me rends compte que j'étais devenu mais complètement ouf. Genre, non, ne fais pas comme ça face au soleil, parce qu'ils vont te voir et puis ils vont te dire, oh, mais il est heureux ce gars-là. Allez, au fond, tiens, voilà ta Kalachnikov. Non, ton PM. Bon, je reste devant cette putain de porte-là qui s'est refermée. Je me dis, mais quand même, je vais essayer de les rejoindre. Alors, c'est un rectangle, ce grand bout-là, il est long. J'ai pleuré, j'ai vu le mec devant, j'ai fait les tests, j'ai avalé les petits pois. Putain, je suis fatigué, quoi. Donc je me dis, je prends la petite largeur. Voilà, j'y vais, la petite largeur. J'arrive au bout de la petite largeur. Oh, je vois quoi? Oh, des jeeps, des barbelés. J'ai l'impression que je vois du matériel militaire. Oh là, j'ai envie de pleurer encore plus. Je dis, oh, mais qu'est-ce que je fous là, putain? J'ai rien à faire ici. Laissez-moi tranquille. Ah non, mais j'ai peur, hein. Franchement, j'ai peur. Ça me terrifie, quoi. Tu te dis, oh putain. Et là, parce que depuis le début, je me dis, mais c'est quoi ce putain de bâtiment, là? Long, un rectangle long, pas de fenêtre. C'est quoi? Et là, quand je vois les trucs dans la petite largeur, là, derrière les barbelés, il y a des jeeps. Je me dis, ah, j'ai compris. C'est un musée. Ils vont nous présenter les armes, là, Et là, je vois ce truc en longueur où il y a des salles, en fait, qui sont éclairées par des spots. Et puis là, t'as le mortier E276. Après, un peu plus loin, on te présente telle autre pièce d'artillerie, voilà. Et puis voilà, bah, en fait, c'était un musée, pas un musée d'ailleurs, un salon des armes de guerre et de ce qui permettait de tirer sur les autres, quoi. J'imagine ça, quoi. Et pourquoi c'était tout sombre? Parce que c'est des pièces cloisonnées, et puis il y a des éclairages pour mettre en valeur... l'armement, les missiles, les trucs qui servent à balancer les missiles. Alors du coup, j'ai tout compris et j'ai pas du tout envie d'y rentrer, quoi. Bon, pour montrer que quand même, c'est pas de ma faute. Oui, c'est vrai, j'ai tardé un peu. J'ai raté l'ouverture. Je suis pas rentré assez tôt. La porte s'est refermée, il y a pas de poignée. Mais c'est pas de ma faute. Je suis volontaire, moi. Donc je bloque devant la porte, en me réjouissant un petit peu du soleil, mais pas trop quand même, pas trop. Et là, il y a un mec qui sort de la porte, là. Ah, il sort de la porte. Donc, vite, je vais vers lui. Je lui tends mon papier, comme ça. En lui regardant les chaussures. Le gars, il regarde le papier, genre, c'est qui ce tas qui me fournit un papier? Le mec, je sais pas ce qu'il foutait là, ça trouve. Bon, il est en militaire, il est en vert, quoi. Et il me dit, ouais, c'est là-bas. Donc, la grande longueur. Il me dit, il faut y aller. C'est un militaire. Il me dit, il faut y aller. Moi, je dis, oui, je fais ce que vous voulez. Des fois, je ne pourrais pas, mais quand je peux, j'y vais. Donc, la grande longueur. Tu arrives au bout, tu tournes, tu te retrouves dans l'autre largeur. Et là, un grand escalier qui monte. Large. Comme à Cannes, tu vois. Ouais. Et puis, tu montes l'escalier, puis c'est... Il y a de la moquette, tu vois, c'est doux, c'est mou et tout. Et puis t'entends... Et là, tu comprends, t'es dans une salle de cinéma. Donc je m'étais pas tellement trompé. Ils font de la propagande pour les armes, mais c'est pas sous la forme que j'avais imaginé, voilà. Où on te présentait les pièces d'artillerie. Non, c'est le cinéma. Voilà. Alors là, putain, cool. J'avais plus rien à fumer, enfin, de rouler. Donc je me mets tout derrière. Et là, j'ai dû enrouler, je sais pas, 8 des pétards. En prévision de la suite. Et là, le film, il est merveilleux, le film. C'est une espèce de... Pas dire dessin animé, c'est mal dessiné, c'est mal animé. L'histoire, c'est... Il y a des gentils et des méchants. Le film, il venait à peine de commencer, alors ça se trouve, il y a des militaires qu'on parlait avant, baratinés, machin. Voilà, bon, moi je suis arrivé, j'ai évité les pubs en fait. J'ai évité les pubs, mais j'ai pas pu éviter la propagande. Donc la propagande, c'est en dessin animé, tu vois, il y a des gentils, il y a des méchants. Non, au début, on sait pas. Il y a deux camps. Il y a un camp qui dit, c'est le camp des gentils, il dit, on pourrait désarmer quand même. Hein, le nucléaire, tout ça, on n'a pas besoin d'autant. Alors les autres en face, ils disent, ouais, d'accord, c'est une bonne idée. Alors, ils commencent à acheter des trucs. Voilà. Tout le monde commence à acheter des armes. Et on se désarme. Oh, putain, c'est merveilleux. On s'est désarmé. Et alors quoi? Hein? Les méchants, ils en ont gardé. Ils en ont caché. Et après, les gentils, ils avaient tout fait. Ils avaient plus d'armes. Et puis les méchants, ils ont ressorti des armes, putain. Et ben voilà, et ben les gentils se sont fait doser. Et c'est pas normal, ça. Alors pour éviter ça, on ne désarme pas. Parce qu'on a toujours des méchants en face de soi. Ah oui, alors après ou avant, je sais plus. Il y a l'autre qui dit oui, il y a ceux qui psychotent et tout. Ça sert à rien de psychoter avant. Le crétin, là, j'y aurais bien défoncé la gueule à lui. finalement, tu vois, moi, j'ai pas demandé. Ils m'ont proposé le psy. Oui, je veux bien. T'as le mec, il se pointe, il a 22 ans. Bon, écho, on compte pas, mais il a 2 années de philo. Il est pas adapté à l'armée, bah tu m'étonnes. Un prolo qui fait de la philo. Et il est pas adapté à l'armée. Hein, ça... Alors j'envoie un premier, alors c'est un interne. Il me pose des questions, machin. Tu lui dis pas que tu veux pas faire armée, tu lui dis juste que t'es mal dans ta vie, ça va pas bien. Et tu suggères que t'as fait des tentatives de suicide. Bon, après l'interne, le psychiatre interne, tu passes au psychiatre militaire. Donc c'est le chef de l'autre. Et puis il prend le dossier, tu vois. Et puis moi j'étais comme ça, avec mon anorak. Il faisait chaud, les deux mains dans les poches comme ça. Comme ça tout le temps. Et le mec, il me dit, le psychiatre militaire, il me dit, vous êtes toujours dans cet état-là. Et là, je lui dis, avant, il me pose des questions, tentative de suicide, pour quelle raison? Et là, je me dis, histoire de cul, non, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Quoi, comment on dit ça? Et lui, il me dit, des peines de cœur. T'es tellement content qu'il te donne la solution. Et lui, il pense qu'il est un bon psy, qu'il comprend, tu vois. Il t'a juste donné le mot. Peine de cœur, oui, peine de cœur. Putain, ça, c'est vachement bien. Donc, vous êtes toujours dans cet état-là. Après, il me dit, vous êtes toujours dans cet état-là. Et là, je lui fais une réponse, mais lamentable, mais qui est parfaite. Je veux m'en aller d'ici. J'en peux plus d'être là. J'en peux plus, je stresse à mort. J'ai qu'une envie, c'est de ressortir de cette putain d'enceinte-là et de me casser. Alors du coup, le mec, il dit, ok, d'accord. Je veux dire, ça répond à toutes ces questions, quoi. Là, il a compris que j'étais un type qui pouvait pas faire l'armée. C'était pas possible. Donc j'y vais. Tu pars avec ton papier. Tu sais pas encore ce qui va être tamponné là-bas. Parce que ton papier, il y a encore rien dessus, tu sais. Ouais. Tu sais pas si c'est apte ou inapte. Et tu vas juste à un guichet avec un... Comme à la gare, là, où tu glisses ton papier en dessous, où ouais. On te file ton ticket, tu vois. Donc le mec, il prend le papier, il fait « pan pan ». Toi, tu vois pas ce qu'il a fait « pan pan », « apte » ou « inapte ». Et en fait, « inapte », c'est rouge, et « apte », c'est bleu ou noir. Alors moi, je veux même pas regarder le papier. Genre, non, qu'est-ce que vous croyez? Que je suis là pour ne pas le faire. Putain, après je sors, je t'ai plus de papier une fois que je suis hors du truc. Et là je pleure de soulagement, de j'en peux plus, ça a été une épreuve atroce, quoi. Et voilà, on est de retour sur Radio Dio 89.5 dans l'émission J'irai pas, une émission anti-militariste tous les premiers mercredis du mois à partir de 16h30. J'avais oublié de préciser que le petit morceau d'interview qu'on a entendu, il durait 24 minutes, voire 25 minutes. Et bah, il y avait l'histoire de Bruno après, mais on n'a pas entendu celle-là. J'avais choisi de prendre juste ce petit bout. Et l'histoire de Bruno qui est racontée par notre ami, et ben, elle pourra apparaître dans une émission future. Donc ça, c'était après l'histoire pour enfants, l'histoire de jeune adulte, quoi, d'une personne dans les années 80 qui, à l'âge de 22 ans, doit faire ce qui s'appelait les 3 jours pour savoir s'il est apte ou inapte à faire l'armée, et sa stratégie pour ne pas y aller, quoi. Lui aussi s'était dit j'irai pas, et après cette histoire de jeune adulte, on peut parler de d'histoire... Ah non, t'avais une chanson, peut-être. Eh bien, c'est ça, on m'entend. Ouais. Voilà, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Il est 17h05 sur Radio Dio. J'irai pas, vous l'avez bien compris. Et là, c'est une chanson que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y a ceux qui disent « j'irai pas » et puis ceux qui disent, là c'est des hommes en l'occurrence, « j'irai plus ». Parce qu'ils y ont été. C'est une chanson qui a plus de 100 ans, qui date de 1918, et qui est une chanson en italien. Alors je vais vous dire en 2-3 mots de quoi ça date. C'était la guerre des tranchées, en Italie aussi, pendant la Première Guerre mondiale. Et là, c'est des gens qui reviennent de ce qui est l'équivalent de notre... des soldats, quoi, des jeunes conscrits, qui reviennent de ce qui est l'équivalent en France de Verdun. Enfin, en France, en français, et puis en Allemagne pour les... Pour les jeunes Allemands, c'était la même chose aussi. Et là, il me semble que c'est la frontière nord de l'Italie. Et il y a eu une guerre des tranchées. Quand on en parlait avec Dédé avant l'émission, il dit « mais c'est la même chose maintenant ». Bah oui, ça a plus de 100 ans. C'est des chansons vieilles d'occasion, mais qui peuvent encore servir. Donc voilà, enfin, essayez de ne pas y aller. Et si vous y allez, et ben... Voilà, donc cette chanson décrit la guerre des tranchées et puis le fait que beaucoup ne sont jamais revenus, qu'on faisait un régiment à la fin avec 10 régiments, on n'en faisait plus qu'un seul et on les renvoyait quand même à la guerre, aux cris de Savoie par exemple, ou, enfin certains cris que les chefs lançaient pour essayer de conquérir les tranchées. Giono, il parle de ça aussi dans son texte, je ne peux pas oublier. On remplissait le grenier à blé avec les grains qu'on trouvait de régiment en régiment pour en fabriquer un autre. Ouais. C'est ça. Ouais. Pardon. C'est une image tout à fait parlante. Fuoco mitratrici. Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità. Per conquistare un palmo di terra, quanti fratelli son morti di già. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea, Savoia si va. Trincia di raggi, maledizioni, quanti compagni son morti lassù. Finirà dunque questa flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano Gorizia piar. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdo, un reggimento più volte distrutto, al fin indietro nessuno tornò. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. Merci. Merci beaucoup, Aline en direct dans les studios. Merci beaucoup pour cette chanson d'actualité qui est vieille de 100 ans mais toujours aussi actuelle et qui nous fait la transition du coup entre justement la période de jeune adulte et puis celle qu'on a envie de décrire maintenant. Alors, pour parler de maintenant, on s'est dit qu'on allait découper un peu les actualités justement en les actualités mortifères et les actualités de la lutte contre ce monde mortifère. Et on va commencer par celles qui sont mortifères, pour terminer sur une bonne touche. Rapidement, le mois dernier, on avait parlé de Vernet Caron, une entreprise stéphanoise qui s'est bien fait connaître parce qu'elle a inventé les flashballs, hein, outils de gestion démocratique des foules, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de maintien de l'ordre, qui serait en mauvaise passe. Et effectivement, les sauveurs belges, du nom de FN Browning, une entreprise qui fabrique des flingues, seraient, d'après Le Progrès, je pense, ça doit être France 3 et l'AFP, daté de hier, le 4 mars, qui nous disent que le groupe belge FN Browning Group a déposé ce lundi 3 mars une offre ferme pour la reprise de Vernet Caron, filiale du groupe Cybergun. Et ouais, du coup, ils proposent, en tout cas, de reprendre 70% du capital de Vernet Caron. Et du coup, de sauver la boîte, quoi, entre guillemets. Ce fleuron de l'industrie des armes de petit calibre, on dit. Ah oui, alors le flashball, on appelle ça une arme à létalité réduite. Donc voici qu'on n'en a toujours pas fini avec Vernet Caron, quoi, qui va fabriquer toute sa panoplie d'armes. Ça, c'était pour une actu un peu stéphanoise, et il me semble que Aline avait envie d'un peu décortiquer la presse. Tu voulais nous parler? Non, alors une presse, oui, c'est pas toute la presse. Ouais. Je voulais vous parler de CQFD. C'est le numéro de février 2025, hein, toujours. Mais voilà, comme le mois de mars est arrivé, peut-être qu'on le trouve plus en kiosque. Et qui a tout un dossier sur la Syrie. Et puis un article sur un grand militaire, un grand nom de l'armée française, qui s'appelle Marcel Bijard. Voilà, on va commencer par la Syrie. Il y a quatre pages de dossier. Voilà, j'espère que vous trouverez ce numéro CQFD pour le voir plus en détail sur la Syrie. C'est très, très intéressant. Moi, j'ai retenu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est l'entretien avec Leïla Al-Chami, qui est co-autrice du livre Burning Country ou Le cœur de la révolution. Au cœur de la révolution syrienne, et qui est syrio-britannique, activiste, écrivaine, et qui a toujours défendu les modes d'auto-organisation civile de la révolution syrienne. Et qui a un long entretien dans lequel elle nous parle notamment de comment cette révolution pacifique a été décimée, qui a eu lieu dans le début des années 2010, et puis ensuite s'en étant suivi 10 ans de guerre ouverte, qui faisait suite aux 30 ans de dictature de Bachar el-Assad, et comment cette révolution a été décapitée, qu'il y a une partie des gens qui se sont enfuis et une autre partie qui a été massacrée sur place, mais que cette révolution a quand même laissé tout plein d'idées et dans la tête des gens là-bas, et notamment des gens qui reviennent. Par exemple, elle dit que la fin du régime d'Assad qui était nécessaire, c'est pas la même chose que la victoire de la révolution, mais qu'elle ouvre des champs des possibles impensable avant la chute du dictateur. Il est essentiel que les Syriens partagent et transmettent des récits de leur expérience révolutionnaire et qu'ils gardent leur mémoire vivante. Les premières années de la révolution ont été marquées par une grande créativité dans l'organisation. Les démocrates ont été emprisonnés, tués ou contraints à quitter le pays. Au cours des dernières années, les personnes restées en Syrie se sont concentrées sur leur survie. Mais maintenant que le régime d'Assad s'est effondré, l'activisme civil connaît un regain. Plus de 200 000 personnes sont revenues en Syrie depuis l'étranger, selon l'ONU. Et les Syriens eux-mêmes peuvent désormais circuler à travers le pays, se parler, apprendre à se connaître. C'est le moment idéal pour partager l'expérience acquise au cours de la révolution et pour tirer les leçons des grandes figures telles que Razan Zaitouneh ou Omar Aziz, qui ont été une source d'inspiration. La première, c'est une avocate des droits humains, et puis qui a disparu avec 3 autres activistes le 9 décembre 2013 à Douma et vraisemblablement enlevé par le groupe islamiste Jaïch al-Islam. Et puis Omar Aziz, c'est un anarchiste syrien qui est mort de complications cardiaques en 2013 à 63 ans après avoir été emprisonné par le régime. Et il avait contribué à la création du premier comité local révolutionnaire dans la banlieue de Damas et qui servira de modèle de résistance, d'entraide et de coopération. Les femmes syriennes, poursuit-elle, poursuit Leïla Al-Chami, les femmes syriennes ont joué un rôle clé dans les premières années de la révolution en participant en grand nombre aux manifestations contre le régime d'Assad. Les deux plus grandes organisations révolutionnaires qui ont vu le jour en 2011 ont toutes deux été fondées par des femmes. Les comités de coordination locaux, LCC, de Razan Zaitouneh, dont je viens de parler, et la commission générale de la révolution syrienne de Zouyer Atassi. Dans tout le pays, des centres de femmes ont été créés pour les aider à jouer un rôle plus actif dans la vie politique, sociale et économique, et à remettre en question les mœurs patriarcales profondément enracinées. Des organisations et des réseaux féministes ont été créés, tels que le Syrian Women's Network, réseau des femmes syriennes, ou Women Now for Development, ou le Medfeminishiwiwa, réseau des femmes journalistes syriennes. Alors que l'État s'effondrait et que les hommes étaient souvent absents, en prison ou dans la lutte armée, les Syriennes ont joué un rôle de premier plan dans le soutien de leur communauté et dans la construction d'alternatives. Elle continue encore, d'alternatives au totalitarisme d'État. Elles ont travaillé en première ligne comme médecins, infirmières, enseignantes. Elles ne renonceront pas facilement à ces libertés durement acquises et s'organisent déjà, aujourd'hui en 2025, donc déjà, pour exiger d'être représentées dans les institutions de gouvernance et dans la conférence de dialogue nationale. Et lorsqu'un responsable d'HTS, donc qui est le mouvement qui a fait tomber Bachar al-Assad, voilà, a déclaré que les femmes ne pouvaient pas occuper tous les postes occupés par des hommes, notamment la défense et la magistrature, les femmes de tout le pays et leurs alliés masculins sont sortis pour manifester leur mécontentement le 19 décembre 2024. Donc les Syriennes peuvent aussi s'inspirer des régions kurdes du nord du pays, où les femmes ont joué un rôle clé à tous les niveaux de la gouvernance. Le Conseil des femmes syriennes, qui réunit des femmes kurdes et arabes, a officialisé l'ouverture d'une antenne à Damas. Soutenir les initiatives menées par les femmes est un bon point de départ pour la solidarité internationale. Donc solidarité internationale, c'est ce qu'on peut dire, c'est peut-être ce qui peut nous préoccuper aujourd'hui. Voilà, dans ce dossier sur la Syrie, il y a aussi la place de la France dans le soutien au régime d'Assad, et que ce soit de l'extrême droite à une certaine gauche qui disait « Ah mais oui, mais Assad, c'est quand même mieux. Ok, il y a des centaines de milliers de gens qui en souffrent, mais c'est quand même une opposition aux Américains ou je ne sais quoi. » Donc voilà, on cite notamment Mélenchon, qui a eu des mots un peu cons sur... là-dessus, mais je ne vais pas le citer. voilà, vous pourrez trouver le CQFD. Et puis cet article aussi sur qui s'appelle le torsionnaire maculé à Toul. Donc c'est là qu'est né Marcel Bijard, qui est un ancien général de l'armée française et tortureur en Algérie. Et à la fin de l'année dernière, une statue est érigée en son honneur sous les bons auspices du maire socialiste Alde Armand. De quoi attiser la colère des habitants. Donc on peut rappeler que Bijard, bah oui, il a torturé en Algérie. Lui, il dit dans ses bouquins qu'en fait, il n'appelle pas ça de la torture, il appelle ça du renseignement. Et puis il a écrit des livres qui peuvent, par exemple, Contre-guérilla, qui est sorti en 1957, qui permet de partager ses techniques de renseignement. Donc l'article raconte une manifestation qui s'est produite à Toul, parce que des habitantes et des habitants n'étaient pas trop d'accord qu'on érige une statue de 2,50 m de haut à ce torsionnaire. Donc il y a eu une manifestation, un petit groupe de manifestants débat. Est-ce que la guerre contre-insurrectionnelle menée par ce mec à Alger a influencé le maintien de l'ordre à la française ensuite ? L'un des participants à cet échange, qui a visiblement lu Jérémy Rubinstein, et lui répond « Il semblerait que ça a inspiré plein de pays, comme les dictatures sud-américaines. » C'est en tout cas le sous-texte de « Pour une parcelle de gloire », qui est aussi un autre bouquin de ce torsionnaire. Bref, à la fin de la manifestation, il y a un élan qui a été fait pour ramasser les crottes de chien qu'il y a dans le square et en maculer entièrement la statue, en commençant par maculer son livre. Voilà, et la police n'a pas eu le temps. C'est fait tellement vite que la police n'a pas eu le temps d'intervenir. Donc cette statue s'est retrouvée pleine de merde de chien. Ce qui lui va bien, peut-être avant qu'elle soit tombée, quoi. Ouais, déboulonnée. Merci, et la lecture de la presse, pas pareil. Et du coup, une illustration de différents modes d'organisation qui subsistent en Syrie ou ailleurs. Donc ça, c'était un peu la presse, et on avait peut-être envie de parler de rendez-vous, de différents rendez-vous. Ah oui, alors moi, j'avais envie de dire que apparemment Macron va nous parler ce soir. Le président va vous parler. Et on se demande quand même si les choses ne sont pas en train de se corser. Bah, ça fait 2 ans qu'on le dit, hein, mais ça fait 3 ans que la guerre en Ukraine fait rage et que des personnes meurent d'un côté ou de l'autre d'une frontière. Et suite au désengagement de Trump, c'est ça, hein, désengagement de Trump dans l'aide militaire à l'Ukraine, il semblerait que ce soit à l'Europe, en tout cas que l'Europe ait décidé, comme le disent les Allemands, de défendre les valeurs et la liberté. C'est marrant parce que tout le monde défend les valeurs et la liberté dans tous les camps, quoi. Mais alors pour ça, il faut fabriquer des armes, et il semblerait qu'en Allemagne, il y ait énormément de fonds qui soient redirigés et alloués. Je crois qu'on parle de 500 milliards, voire 1000 milliards, je ne sais pas, Guy, t'avais plus d'infos. En fait, sur les 10 années qui suivent, quoi, il y aurait énormément d'argent qui serait débloqué pour... Au point que Mediapart titre l'Allemagne sort le bazooka pour sa défense et son économie. Mediapart dire, hier, ouais. Quoi. Ouais. C'est le cas de le dire, 1000 milliards, ouais. C'est le nouveau futur chancelier qui n'est pas encore en poste, hein, si je comprends bien le système politique allemand. Et le but, c'est financer le réarmement du pays et moderniser les infrastructures, donc avec des fonds spéciaux. Et là, ils ne s'embarrasseront pas, a priori, de respecter leur rigueur budgétaire, leur fameuse rigueur budgétaire. Et en fait, finalement, ça c'est juste prolonge et démultiplie ce qui avait été déjà évoqué dès 2022 par le chancelier Scholz, qui avait déjà débloqué 100 milliards. Donc là, 1000 milliards, c'est 10 fois plus. Bon. Avec pour objectif que l'Allemagne soit bientôt la plus grande armée conventionnelle d'Europe dans le cadre de l'OTAN. Bon, voilà. Oui, le ministre d'ailleurs de l'époque, ministre de la Défense, il disait « Nous devons nous préparer à la guerre, nous devons être sur la défensive ». Donc après, ils sont même en train de questionner, a priori, la disparition du service militaire obligatoire. Ils vont établir un recensement obligatoire à 18 ans pour tous les jeunes hommes, pour faciliter leur incorporation. Bien sûr. Comme quoi ils prennent des leçons, par exemple, de la Russie ou de l'Ukraine, qui se sont retrouvés en difficulté pour recruter ou pour incorporer. Hein, on appelle ça la bussification en Ukraine. C'est qu'on t'attrape, on te met dans un bus et t'arrives dans un centre de formation ou au front directement. En Russie, ça doit être un peu similaire. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient du mal à attraper les gens vis-à-vis de leur identité. Et donc ils les attrapaient dans les supermarchés, s'ils avaient le malheur d'aller dans un supermarché à des heures où tu ne travailles pas, etc., et que tu avais l'air un peu jeune, on pouvait t'envoyer au front. Et Et puis en Ukraine, c'était mobilisable entre, au départ c'était entre 18 et 60, et c'est basculé à 25 et 60, mais je crois qu'ils vont redescendre peut-être leur. Ouais. Donc en fait, même si t'es pas jeune, entre guillemets, si t'as 60 ans, voilà, c'est. Tu oui. peux te faire aussi te retrouver sur le champ de bataille. Et oui, parce qu'on parlait d'identification, je me rappelle plus pourquoi. Et en même temps, je vois le temps qui file, et je voulais parler de Macron, parce qu'en fait, on peut faire que des suppositions à cette heure-là, mais apparemment à 20h, on en saura plus. Peut-être qu'il nous resservira le couplet d'il y a 4 ans maintenant, nous sommes en guerre. Et en fait, c'est le couplet, le refrain qui sort régulièrement pour tout un tas de raisons, que ce soit pour défendre l'industrie ou par rapport à des épidémies, etc. Et il semblerait que ça se corse, donc peut-être qu'il faut suivre un peu les infos. Voilà, donc ça, ce sont les infos un peu mortifères. Tu voulais rajouter un truc ? Bah, préparer des pancartes à mettre à sa fenêtre contre la guerre, ou des drapeaux arc-en-ciel, ouais. Pour que si vraiment, enfin voilà, s'il sort encore sa phrase, son leitmotiv, nous ouais. sommes en guerre, et bah, qu'il puisse y avoir une réaction, puisqu'en fait je pense que la plupart des gens n'ont pas du tout envie de la guerre. Oui. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes, et là du coup c'est peut-être un peu aussi des choses positives qu'on avait envie de dire, il y a quelques personnes qui s'organisent pour montrer les industriels de l'armement autour de chez elles et chez eux. Et par exemple, une initiative stéphanoise qu'on pourra retrouver le 26 mars à 16h en se rendant place Carnot devant le bar de la Manu. Des gens nous proposent une visite guidée de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça s'appelle la cité du design. Et ben, en se basant sur le texte « Considération sur la manufacture d'armes de Saint-Étienne, parfois appelée cité du design », qu'on peut retrouver sur le site internet lenumero0.info, on aura une visite guidée de la cité du design qui montre que les industriels de l'armement sont toujours là et qu'ils s'y plaisent. Et c'est pour ça, on en avait déjà parlé sur Sainte-Antenne, que le 26 janvier 2024, 140 patrons de l'armement s'étaient réunis sur l'invitation du préfet de la Loire pour parler économie de guerre et industrie de défense. Eh bien, du coup, ça paraît hyper intéressant de se rendre à cette visite guidée qui sera le mercredi 26 mars à 16h. Rendez-vous place Carnot dans l'angle le plus proche de la cité du design, c'est-à-dire devant le bar de la Manu, où on pourra suivre avec une petite pancarte, on pourra suivre plusieurs personnes qui nous parleront de la cité du design et des industriels qui s'y cachent, mais pas tant que ça. Deuxième petite actu, volonté contre les faiseurs de guerre de visibiliser justement cette idée que nous sommes contre les guerres et contre l'armée. Tu veux parler de ce qui se passe à Toulouse ? À Toulouse ! Et allez, c'est le moment, puisqu'à Toulouse, il y aura les 4, 5 et 6 avril, dans un mois, un week-end contre la guerre et la militarisation, pour partager les rages, les luttes en cours et les envies, pour se bouger contre les guerres qui se fabriquent ici, pour se rencontrer, discuter et agir. Et puis un site internet, avant qu'on vous lise un peu plus en détail le programme, qui s'appelle contrelaguerre.noblog. Gz.org. Oui. Blogs.org. Effectivement, pour partager nos rages, les luttes en cours et nos envies, pour crier plus fort que les discours va-t-en-guerre qui nous inondent, pour se bouger contre les guerres qui se fabriquent ici. La guerre est là, partout, et ces dernières années, on pense bien sûr au génocide en Palestine, aux guerres en Ukraine, au Soudan, au Congo, au Yémen, en Syrie, on en passe. On assiste à une course internationale à l'armement, à l'extraction de toujours plus de ressources pour les fabriquer. Cette préparation matérielle s'accompagne d'une propagande pour formater les corps et les esprits aux guerres à venir. Dans cette logique, les puissants intensifient le racisme et l'organisation patriarcale de la société. On nous inculque la haine de l'étranger, on glorifie la patrie et on nous met coûte que coûte au travail. Les faiseurs de guerre justifient leurs projets par des prétextes antiterroristes, humanitaire, démocratique et universaliste. Pourtant, nous savons que c'est le renforcement de l'État et de l'économie capitaliste qui sont au cœur des guerres, souvent dans une continuité du colonialisme. Ça passe entre autres par l'accaparement des ressources dans d'autres pays, le renforcement des frontières et la répression des migrants, la montée des nationalismes, la dégradation des conditions de vie, etc. La France, avec ses industriels, est le deuxième pays exportateur d'armes dans le monde et elle est depuis longtemps impliquée dans des interventions militaires sur de nombreux territoires, tout en partageant avec d'autres États ses fameuses méthodes de guerre et de contre-insurrection. Ici aussi, la militarisation va bon train. On se souvient des discours présidentiels sur le réarmement militaire, démographique, civique. Le budget de l'armée est en augmentation permanente. Il existe maintenant des classes défense à l'école qui s'inscrivent avec d'autres projets comme le CNU ou le feu ex-CNU, SNU, Service National Universel, dans l'objectif plus large de discipliner la jeunesse. Et dans les rues, combien de militaires, de caméras et de campagnes de recrutement? Combien de nouvelles lois, toujours plus sécuritaires et répressives, pour forcer tout le monde à marcher au pas? L'ambiance est posée. À Toulouse, capitale de l'aéronautique et du spatial, est au cœur de l'industrie de l'armement. Elle regroupe un grand nombre d'entreprises, start-up, écoles, laboratoires, etc. C'est donc en toute logique que la Ville Rose a été choisie pour y installer prochainement le centre de commandement de l'espace et un centre d'excellence spatiale de l'OTAN. Depuis toujours, à travers le monde, des résistances individuelles et collectives à la guerre existent. Ces dernières années, il y a eu, par exemple, des blocages de navires de guerre ou de trains transportant des armes, des attaques sur des entreprises d'armement, l'organisation de réseaux de solidarité à la désertion, des manifestations, des sabotages, des grèves, etc. Et on a envie de contribuer à ces élans antimilitaristes. Donc pour se rencontrer, échanger et agir depuis ici, avec nos différentes sensibilités mais sans chef ni politicien, politicienne, de quelque bord qu'il soit, cherchant à encadrer les luttes, pour une solidarité sans frontières contre tous les pouvoirs en place ou ceux et celles qui aspirent à le prendre, on vous invite donc à un week-end contre les guerres et la militarisation, ce sera les 4, 5 et 6 avril 2025, à Toulouse. Que tu t'organises déjà sur ces questions ou pas, que tu te sentes un peu dépassé par tout ça, ou que tu aies des idées à partager, que tu sois seul ou avec des potes, bienvenue à toi. Abat la guerre et la révolte. Vive la révolte. Et hop. On avait dû me dire ensemble, mais ça. Oui, c'était vive la révolte. Vous voulez la refaire ? Allez, on la refait. Abat la guerre, vive la révolte. Super. Le programme, vendredi 4 avril, l'industrie de l'armement à Toulouse, c'est à La Chapelle, un ancien squat, 36 rue Daniel Casanova. En fin de journée, 17h30, ouverture des portes, 18h, projection de la poudrière Toulouse Nécropole, qui est suivie d'un temps d'échange sur l'industrie de l'armement dans la région et des initiatives qui s'y opposent. Il y aura une bouffe et à 21h, personne ne veut prendre leur place, qui est un quiz contre le complexe militaro-industriel toulousain. Le samedi 5 avril, à l'impasse, donc 1 impasse La Pujade, à partir de 14h30, il y a une ouverture des portes, puis ça sera suivi à 15h d'un court-métrage Do It Yourself, La Fabrique des Camps, suivi d'un exposé à 3 voix sur l'instauration de l'état de guerre. L'atmosphère militariste monte en pression sur le sol de pays de l'OTAN, on essaiera de détailler ce qu'on comprend des récents changements. À 16h30, il y aura la discussion sur les liens entre guerre et patriarcat. À 19h, une petite bouffe et un bar avec Barasoft. À 20h, un blind test antimilitariste. Et à 21h, enfin, une projection de No Man's Land, un film de 2001 sur la guerre en Yougoslavie. Très joueur et joueuse, c'est toulousain, c'est toulousaine. Et ça continue le dimanche 6 avril, c'est à l'impasse, puis à La Chapelle, avec à 14h un exposé « La fin de l'armée française en Afrique ?» point d'interrogation, par le collectif Survie. Et à 15h30, un jeu de piste qui partira de La Chapelle, au 36 rue Daniel Casanova toujours, vient découvrir des lieux de l'industrie de l'armement local et de l'histoire militaire et coloniale française. Et si tu as envie, tu pourras aussi participer à les rendre visibles et à les critiquer. Si tu peux, viens avec un vélo, mais ce sera aussi possible à pied, en voiture ou autre. Et puis tout le week-end, il y aura un infokiosque, exposition, jeu, bah oui, ça il en faut, atelier, création, stickers et de banderoles. Waouh, un week-end bien complet. Est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse internet sur laquelle on peut se référer si on veut se rappeler tout ce que vous nous avez dit, voire imprimer le fly et le distribuer à nos potes aussi? Oui, pour tout les... à fait, relayer tout ça. Donc on peut trouver plus d'informations sur le site contrelaguerretoutattaché.noblogs, donc avec un S à la fin, .org. Et puis comme il est 17h32, mais toujours à Toulouse, on a tout juste le temps de citer une feuille d'info à propos du Soudan, qui est bilingue, et qui s'appelle Espoir, et puis un mot en arabe qui veut dire espoir aussi, mais que je ne sais pas ni lire ni prononcer, une feuille de critique littéraire et politique qu'on trouve sur le site de la CNTAIT Toulouse. Que d'infos. Voilà, bah super. Du coup, il y a du monde qui se bouge, quoi, et c'est cool dans cette émission de pouvoir relayer justement ce genre d'activité. Et ben, on peut se quitter en disant à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Service militaire, chacun sait qu'à 20 ans on n'a rien d'autre à faire. Que c'est le pied de marché comme un métronome, que c'est la discipline qui vous fait un homme. C'est sur le quai de la gare, un festival de mouchoirs. Au revoir, c'est le chant du départ. Et va petit soldat, va, tu seras caporal, râle, bonne mais ne râle pas, papa, le moral comme avant-guerre. Démonter des mitraillettes, à tuer le temps dans la bière et les cigarettes, à ramper dans la flotte comme soldat va, tu seras caporal, râle, bonne mais ne râle pas, pas, pas de morale comme avant-guerre. Quand tu auras fini ton service militaire, tu échangeras des souvenirs avec ton père. Vous parlerez des mêmes filles, des mêmes cuites. Et dans 20 ans, ton fils te racontera la suite. Tout le monde sera content, vous direz c'était le bon temps. Et pourtant, qu'est-ce que c'était chiant mon adjudant. Petit soldat, va, tu seras caporal, râle, mais ne râle pas, papa, le moral si tu l'as pas. Petit soldat, va, tu seras caporal, râle, bonne mais ne râle pas, papa, le moral. Anna Molina, t'as cédé la place au groupe fort sympathique We Hate You, Please Die. Et tout de suite, c'était She-Wolf sur le 89.5 de Radio Dio.